Bonjour. Bonjour mes chers amis. Bonjour, bonsoir. Tague les amis, Tobanda. Merci, merci. Pour votre présence. Taguez les autres amis, Tobanda, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir. Les amis sur YouTube, sur Facebook, si vous pouvez taguer les autres amis qui sont libres en ce moment, comme ça, Tobanda. Voilà. Voilà, merci, merci, merci pour nos alavana. Merci pour la confiance, merci pour la nyonso. Et vous allez samedi, je oui, samedi. Il y a des scènes à Batongo, il y a des scènes après-midi, Batongo Bazali Naboutou, et Nangamo Mususu Bazali Kokende Pembeni à Lobby dimanche. Merci infiniment, merci. Voilà. Et excusez-moi, Namoni nettement image, j'ai le col à. Il y a Dongi, hein? Je pense que ça va. Voilà. Et Lelo Toye, juste pour na Ndengito Sola, comme d'habitude. Et Lelo Toye pour na point Moko, je pense. Ou bien mi balai. Et puis par la suite, au Kabwana pour donner le temps à Batumsusu, Bazalina, ba rencontre, ba manifestation, ba salayango. Mais avant Tobanda, comme Tomisana, copé sa moi information, copé sa peut-être moi communiquer. Et Bandeko et Bélé qui se demandent Tozali et Sikani pour un dossier à moi en Abisso. Je vous ai dit dans la live Mokona que le procès Ezali, bon, procès était, je dirais, comparution Ezali. Le premier lundi, il y a mois d'avril, oui. Alors, moi, explication, ok, dans le système judiciaire coréen. Et ça est très différent. Et d'ailleurs, ce que vous avez dit, coréen, japonais, chinois. Système Nabango est différent par rapport au système western, Torobaya, occidentaux. Il y a Bissau, par exemple. Parce que dans le système coréen, japonais ou chinois, en réalité, les avocats, y a la plaidoirie, le col en Bissau, avocat Oyobaye, Bakoutani, débat. Voilà, mais chez eux, ça la marabouté. Et pas inabango, tout se passe en écrit. Ba avocat na yo ba komi, ba avocat pe ya mutu yo fundi bien o ba fundi yo ba komi, ba déposer na ba juge. Ba juge ba kotanga voir ba argumentation sur papier et voilà, ce qui ba tché sousou plaidoirie mususu date mususu et ba juge ba pesi ma preuve déposée, ma argument déposé par l'équipe adverse, ma pessine équipe moussous, donc va changer ma document où il va déposer qui et ma avocat nanda ku batangi qu'est-ce que ba tuya mutuana na fundi ou bien ba fundi nga ba lobby et par la suite ba sali ba commentaire na bango ba memi ba preuve na bango ba zongi si c'est pas ma juge batangi c'est comme ça. Alors, ce qui est important, et pas na bango ezali d'abord, la première comparution. Bako mona moutou bafundi, yopo mona moutou afundi yo. C'est fini. Boko tan resouté. Jusqu'à ce que ba juge bako zwa décision na bango. Ezalo kola et pas na bisoté, comme vous avez vu, ba procès, et pas na bisoté le kaka, chez la plupart des pays asiatiques et les kaka bongote. Bango il est kaka par écrit. Alors, mais toko tenir bino informé, évolution yamakamunyo son dengezo le cas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de révélations. Moi, et to bimisayango exacte parce qu'on nous a interdit pour nako sala yango na public, to sala yangote. Alors, bien que il y a vraiment des histoires. Qui fait rire deux fois, mais Nakoiko Lobakaka que nous demandons à Bande Konabiso Oyo Bazali ko supporter Félix. Soki bolingi ko attaquer Bissot. Soki bolingi ko anéantir Bissot. Bosala yango na bargiment. Bosala yango na bargima, bosala yango na mutu, argument. Biso tozali koya koloba sur la gestion de Félix ezali malamu te. Mouyibi eleki, lokuta eleki, batake eleki, ba injure eleki, ba detournement eleki, ba violation ya ba mibeko eleki, gangsterisme eleki. Violence et l'équipe. Alors, bien ce qui bomoni que le régime de Félix et Zali, Oyobisotozolobate, venait avec de preuves, d'arguments. Non, monsieur, vous avez dit que toi, Félix, Bazali violent. Vous prouvez nga que Bazali violenté. Monsieur, vous avez dit que le régime à Félix et Zali est maillé par ba mensonge. Boya bo prouvé biso que mensonge exaté. Ce que Félix dit, c'est ce qu'il fait. Mensonge exaté. Ce que le bi, Félix a bazo détourné. Venez nous prouver que non, régime à Félix, ezo détourné té. Biloko tozo lo baba détourné boye. Boya avec des preuves. Que non, monsieur, vous avez dit que 15 millions de dollars, il y a rétrocommission, et disparaître dans la présidence. Messieurs, vous êtes dans l'erreur. Mbongwane disparaît traité. Tala mbongo esi ke Zali. Tala mbongo esi ke Kendaki. Tala compte ba loja ki mbongwana. Ou bien tala misala ba sala ki pona mbongwana. Alors, de cette façon, nous allons nous taire. Parce qu'à tout moment, quand on vient, soi-disant ce que vous appelez, vous, ba mensonge na biso, quand nous venons avec ces mensonges, venez avec des vérités. Prouvez-nous avec des vérités. Mais ce qui bozali koya, biso tozo dénoncer ce qui est vrai. Au lieu de vous défendre votre frère avec la vérité, bozoya ko défendre yé avec ba mensonge. Mes chers amis, bandeko, régime à Félix a échoué à 100%. Boye bake, vous avez contribué à 70% pour l'échec à Félix. L'échec de Félix, 30% au Etikali, et Zali pour na deal na ye akenda yko sala, na Kabila, badil parce qu'il y en a un plus n, badil na ya kende ko sala, et puis incapacité intellectuelle na ye. Donc dil na ye, trahison na ye, na incapacité intellectuelle na ye, le deux là ont contribué na échec ya Félix à 30%. Alors, ce qui reste 70% échec à Félix, ezali contribué na bandeko na ye ya tribu na ye. Na bandako loba yango chaque fois. Le 70% de l'échec de Félix, ezali contribué na bandeko na biso baluba. Ils ont contribué à l'échec de Félix. Lukuta. Comme na lobaki to bandaka toujours na exemple na zana bandeko ebele balandaka ngai bandeko ebele basepela kana biso na ye komona ndeko moko atindelinga une vidéo sur YouTube ndeko oyo kombo na ye Joël Kitenge. Il serait à Kinshasa. À Salaka ba vidéo, le kola biso to Salaka. Il est pro-Félix. Et Azali Pende kona biso Kasayen. Batindelinga vidéo à Natala. Tellement Natala kate. Natala kate. Mais la personne a insisté, non, papa tala kaka, tala vidéo wana. Na landi yango na katia video wana. Monsieur Mbanda est indexé. Monsieur Fabien Kouswanika est indexé. Ngai Moko est indexé. Po na ngai, il commence par dire Batu oya lukuta bangwanda Fabien Kouswanika na Yumbi, on m'appelle Yumbi, mon nom n'est pas Yumbi. Je m'appelle Yumbi. Mon nom, c'est Yombi. Il dit, un soi-disant Yombi, c'est ce qu'il a dit, qui s'est fait passer comme professeur d'université, mais en réalité, nous avons vérifié partout le monde. On n'a trouvé aucune université ici qu'à Atangisaka ou Esika Atangisa. Alobi, ce qui est vrai, c'est un scientifique, il est intelligent. C'est ce qu'il a dit. Mais il nie que M. Yombi est professeur parce que yé a vérifié na ba source na yé na Mokili Mobimba. C'est-à-dire tout le pays a système na biso solaire. Notre ami Joël Kitenge a vérifié na ba source na ye, il n'a pas trouvé l'ombre de M. Yombi quelque part. Ah bon, c'est bien ça. Comme tozalaki na moi tango, tozui lien. Il y a université totindeli. Tozui vidéo. Na coréen, ma vidéo disons, na coréen, et puis na anglais, to tindelie, na zali na chaîne ya télévision te, na salisa na nou chaîne ya télévision te, na zali actionnaire na télévision mokote na monde oyo. Cette télévision là, ezali moko, une télévision nationale coréenne. Oba bengi KBS. KBS. C'est la télévision nationale coréenne et pas na biso ezali RTNC. Vidéo à Liboso. Vidéo à mi balé la deuxième grande chaîne de télévision coréenne. Oyo ezali privé, mais qui concurrence la télévision nationale aussi. Ba bengi yango MBC. Donc MBC. La troisième télévision, vidéo to tindelie ezali télévision la première, je dirais est l'unique télévision na anglais na Corée. Oyo babengi Arirang TV. Télévision wana pa programme nyonso ezali na anglais. Na tindeli ndeko oyo parce que ces différentes télévisions sont venues à l'université là où j'enseigne. Komba journaliste ezali, komba chaîne ezali, allez-y vérifier na tindeli ndeko oyo. Mais pourquoi na lobi yango mes chers amis? C'est la première fois depuis que je suis né. Bandana botama. C'est la première fois. Namona ndeko luba. Qui a dit des choses au ezali mensonge. Natango tindeli ba évidence. Azongela yo asenga yo pardon. Ba induire nga na erreur. Na landi ba video, na landi ba lien, vous êtes réellement professeur d'université. Je demande pardon. Non, il a dit je m'en excuse. Na s'excuser pour na yango. C'est la première fois. Je ne sais pas ce qui m'a dit comme sousou, bosi bokutana avec un frère Luba. Parce que boyebi ke bandeko na biso mensonge eza lokola na kati ya den na bango. Un vrai luba, il faut akosa. Mou luba ya solo, il faut akosa. Ça c'est vrai, c'est connu na yo mutozo landanga, c'est connu de tout le monde au Congo, on se connaît dans le village. Un vrai luba, il faut azala vantar, il faut azala lukuta. Ndambo ki ndoki ezangate. Ça c'est vrai luba. Ezali culture na biso, na mboka na biso, diversité na Congo, mais pona bande ko na biso, ezali ba point wana d'abord ezangate. Il faut za la vantar. Il faut za la lukuta. Keba ko bosa na ndambo akindokite. Il faut ezala. Bandeko oyo bakenda na kasai bayebi de quoi je parle. Et c'est vrai. Alors, natika la komona jamais, en tout cas, bandeko na biso luba o na kutana na bango, soki asali erreur. Aya ko zongela yo a s'excuser que oui, na sala ki erreur, ba kosa ki ngai, excuse ngai. Na kutana na bango te, c'est la première fois. Et surtout na contexte oyo, politique. Banda to bandi makambu ya Félix, ça fait 2 ans jour pour jour. Bande ko bazo finga, bazo vilipande. Même si au PC ba preuve akondima yangote okoyoka Photoshop okoyoka boye, mais c'est la première fois c'est monsieur Joël Kitenge, c'est ça son nom, aye ko zonga lobi ba source na biso ekosa ki biso limbisa biso to limbisiye, c'est tout, on continue. Et na komeli ye bandeko bazana na Facebook nanga ba moni. Na komela kiye. Voici ma prêt parce que il semblerait que Luki partout na monde au monité sika to tangisaka, au monité sika to leka, nazali professeur te, ba livre na chaka na sima ezali ya pamba. Vraiment est-ce que vous pouvez croire? Ba université. Soki ozali professeur te e pa na bango. Soki ozali étudiant te e pa na bango. Tolo ba d'abord professeur. Non, étudiant. Namboka kore étudiant akodefa ba livre po atanga eleka 6 T na semestre moko eleka 6 livre T. Mais professeur d'université nombre ba livre ko ikozwa na librairie à université na yo ezali na nombre illimité. Okoki kozwa 100, 200 livres. Mes chers amis, soki ozali professeur te, tous ces livres ici que vous voyez na C, tache ya pembe oyo ezali ba référence, ya bibliothèque na yo université. Mais quand vous comptez ici, j'ai au moins 120, non, 212 livres. Oye, zali na sebozo monate. Nazali na 212 livres. Ya ngaite, na sombate. Ya université en tant que professeur. Ba livre nyo somoni ba materiel po na ba kuru na yo. Ozali na droke na bibliothèque. Osali demande. Bibliothèque ba yeko tike la yo na bureau na yo. Alors, po na COVID. Tolongoli une partie à ba livre na biso eza nécessaire to ye nango na ndako. Ça c'est mon bureau de la maison. Quelle est cette université va vous permettre de prendre 212 livres oza étudianté oza professeur té ba étudiant c'est 6 livres na Corée. Na mboka Amérique so okay, ba étudiant je pense Nazana chiffre on a mututé, mais un étudiant ne peut pas prendre 200 livres à yena onanda. Quand vous prenez déjà aux huit 6 livres, un étudiant 6 livres, au lingo baksamusus ba oyebiso oyozwa qui déjà 6 yako zongisa. Remets d'abord ce que vous avez emprunté, après ozwa mususu. À la fois koi kozwa plus de 6 t ce que vous allez étudiant. Mais les professeurs vous êtes permis, nombre illimité. Ndekwa lobi bon, ndekwa nazali professeur te, ba livre aton sarana sima, ezali lukuta. Mes chers amis, donc okye kaka na université abatu, ba yebiote, oza professeur te, vous récupérez ba livre na bango yena monanda. Mais quand même, il s'est excusé, j'ai beaucoup apprécié, sans naye, et na lobela na yebisa kiye ke ozali milouvor, milouvor civilisé. Mbala liboso pona mona, pona biso, cette opposition politique ezali ki enemite. On peut se tromper, to koyi kozala na erreur, soki nde kwa reconnaître erreur na ye, ba kosakiye, a s'excuser, to excuse ye, et to continue, on n'est pas des ennemis. Inutile ya ko luka ko détruire, parce que ko kate. Alors, laissons Yandeko Nabiso Joël Kitenge et rééduquer Batou Moussous, ba Milouvor Moussous. Bon luka moyen, bon zala quand même civilisé à Tamke. Na Batou Moussous o attaqué, en tout cas, na ko répondre na nzela na bangote, mais tellement bazali, Batou Oyo, bazali ko contribuye pour na bien-être Yamboka Nabiso. Tikana loger un mot. D'abord, pour na monsieur Honoré Mbanda. Na lobe la kayango chaque fois. Que moi, na zala na bato, ba mo boutiste. Na Yves Sakabino, je suis frère de Kikata Ngima. Ba étudiant oyo ba yebi, ki katangima bako mone longi nanga. J'ai été le président ya Mungeya Changu. Mungeya ezali une association de basuku. Oye ezala ki chapeauté par ki katangima. Ki katangima était ministre ya portefeuille, il était vice-gouverneur de la banque. À l'époque de Mobutu, na R. Kabila Yaki, il a travaillé avec Kabila, je pense, 4 ou 6 mois. Je connais un peu quelques Mobutistes. Monsieur Honoré Mbanda a travaillé avec Mobutu. Comme tout autre, comme Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Et Moutou Oyo Azala na signature. Signature influente. À l'époque de Mobutu, na kotanga batunyo sotozui batumi bali. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Monsieur Honoré Mbanda. Bango mi balé, to tia bango ba mobutiste. Oui, ils sont mobutistes, bango mi balé. Alors, de qui bango mi balé azala ki na ba signature influente à l'époque de Mobutu? Monsieur Honoré Mbanda a été dans l'agence de renseignement. Monsieur Honoré Mbanda a été ministre de la Défense, je pense, oui. Monsieur Honoré Mbanda a été conseiller en matière de sécurité de Mobutu. Monsieur Étienne Tshisekedi Azalaki, premier ministre à Mobutu à maintes reprises, ministre de la Justice à Mobutu à maintes reprises, vice-ministre, voilà donc tout ça. À cette époque de Mobutiste, M. Honoré Mbanda, M. Étienne Tshisekedi, Nanya Zala qui na signature, par exemple, Yakobo Mamoutou. Par exemple, M. Yombi parle trop, Tobo Maye. M. Honoré Mbanda n'avait pas cette signature-là, Yakobo Mamoutou. M. Tshisekedi Zala qui nango. Et Aboma. Aboma, ba civil, te, ba citoyen ordinaire, kakate. Monsieur Etienne Tshisekedi, Aboma, premier ministre en fonction. Premier ministre en fonction. Ba ministre en fonction, monsieur Etienne Tshisekedi a signé, ministre, a signé. Pendaison d'un ministre, d'un premier ministre et des ministres en fonction. Aujourd'hui, Moutou Mokote Azo Landangai Sikoyo a koki ko ye langai une vidéo, un audio de M. Honoré Mbanda. Prendre son bic, son stylo, son papier, signer la pendaison ou l'assassinat d'un citoyen X ou Y. Moutoumoka kola kisanga yangote. Accusez-moi tout ce que vous voulez d'un bandiste. Nayebi Sakabino, si vous m'identifiez à M. Honoré Mbanda, bravo à moi-même. Parce que M. Honoré Mbanda, c'est un monsieur que je ne connais pas physiquement. Nakoutana na yete. Alors, si vous m'identifiez à lui, Nazali Mbandiste, bravo à moi-même. Moutou Mokota Kola Kisanga, une signature de M. Honoré Mbanda, audio ou une vidéo, M. Honoré Mbanda, na signature na ye. Il a signé la pendaison ou l'assassinat Yamoutou, citoyen zaïrois X ou Y, exalité. Mais na bango mi balé, tokende na ba output. Output elinge lo ba les résultats. Mais si on a mwanda misala nyoso o azui et pa ya Mobutu, en tant que Mobutiste, Ezali misala ou ezali très na sécurité. Monsieur Etienne Tshisekedi misala azwaki à l'époque de Mobutu, ezali très na sécurité, ezali très na politique. Dites-moi na bango mi balé. Qui a travaillé pour l'équilibre social, pour la paix sociale, Yambo Kanabiso. Lelo oyo soki tozali ko pesa mérite pas Mobutu pour l'intégrité de notre nation. Pour la sécurité Yambo Kanabiso, mutu alongwe bandundo ke na veloti na mbunjimai. Na nzela kozwa mbatate soki peut-être miyibite. Okozwa mbata ya rebelle mokote, okozwa lisasi ya kamwena tsafute. Okoyiko longwa ba Congo, Congo central, okeiti na Goma, makolo soki olingi, okomona jamais moto akoyela yo na munduki, ke nazali munya morenge, ke nazali Rwande, okomona yango te. Ce n'est pas monsieur Mobutu qui a fait ça, ezali bato lokola Honoré Ngbanda qui ont travaillé pour cette sécurité. Yo longwa mbunji mai, oya Kinshasa, muta Kinshasa longwa Kinshasa, akende Lubumbashi makolo. À l'époque, M. Honoré Ngbanda, na batu mususu on travaille avec Mobutu. Toti komo na ba pays nyon sote Zambi soka siliki. Mama moko ya Zambi soka siliki, ba beti mwana na ye na kote ya Congo. Mama na kokota na Congo na machete akati mboka mobimbe ya ye. Avandi une semaine, un mois. Il faut bo kende ko bonde la ba président africain. Pardon, boye bisa mama wana abima na machete na mboka na biso. Bozali na force ko bimisa yete. On n'a jamais vécu cette histoire. Mais savez-vous ce que Étienne Tshisekedi fait? Hormis ma signature n'a yé dépendre un premier ministre en fonction, deux ministres en fonction. Monsieur Étienne Tshisekedi a contribué pour l'abrutissement ya peuple na biso. Les Kassaïens, les Losokitozolo en général, bande kona biso louba ba komi ba abruti, c'est Tshisekedi qui a contribué na ça. Mais M. Honoré Ngbanda a contribué pour l'éveil patriotique. M. Honoré Ngbanda a contribué pour que yo, oyeba, ke ba Rwande ba kote li biso boye, ke ba Rwande ba komaki boye, ba Rwande ba zo sala boye, ba Rwande ba zale sika boye, minduke koti boye, sécurité baby boye. C'est grâce à ce monsieur-là, yo oyebi yango, na tango zala ki na diaspora, bo zale ko kemande ba mbongo. À ce moment-là, M. Étienne Tshisekedi a envoyé Mubake au Rwanda auprès de Paul Kagame pour n'a comploté qu'au ba Congolais. Dites-moi entre les deux messieurs. Dites-moi entre les deux messieurs. Nani Azali, un vrai fils ya pays. Dites-moi qui. C'est lui qui contribue na foutaise ya peuple na biso. Ce qui botali batu nyonso o bazali kolobela makambu ya Tshisekedi, okomona vraiment bazali ba bruti ba bête. Raisonnement balongola bango. Nazo kosate. Botala, qu'est-ce que monsieur Étienne Tshisekedi nous a laissé? Il nous a laissé fils Mokoko. Il nous a laissé Kabuya, il nous a laissé Kabound, il nous a laissé Eliezer Tambwe. C'est ce que M. Étienne Tshisekedi nous a légué. Aujourd'hui, M. Honoré Ngbanda peut mourir. Il peut mourir aujourd'hui. Mais sachez que M. Honoré Ngbanda a laissé des gens. Oya koyi ko telema lelo même Paul Kagame ye Congolais ko telema makila et tamboli Paul Kagame azuma kofi. Mais to sali na mboka moko ya environ ya ba valeur. Monsieur Honoré Ngbanda parle de la sécurité en mboka na biso na batu ndenge ba kote li biso. Parce que ayebi yango. Alors, choix ezali panabino bopona. Congolais o azali conscient. Oyo avandi si mutu. Bongo ezali calme. Choisissez-moi entre M. Honoré Ngbanda et Étienne Tshisekedi. Nani réellement un fils ya mboka na biso. Monsieur Honoré Ngbanda azali lokola mwana. Oyo azalaki na période ya puberté. Ake kokota na groupe ya batu, ya bana mususu. A cette époque bazo kanisa ke bazo sala musala malamu. À un moment donné, parce que être dans la politique, dans un régime, ils allaient au col là-bas jouer à stade. Tango bazo beta zo mona ke ye azo panza mabe, azo dribler penza bien. Mais tango bako bimisa ya ke na vestiaire avandi, ako mona ke ah oui na banaye kosala bere. Mais Honoré Mbanda, dès que dehors il a compris que bazala ki na erreur, Berer est sa amaki. Mais rachetons Berer wana. Ton lobasiko yon dengeni ne makambo ane salemaka pour que biloko ane salama sousou plus jamais nan mboka na biso. Abandi ko explique. Tshisekedi ti avande ki yon tisere wamo lumba. Atiko yebisa nani. A yebisa yi ke barwande bazo kote la biso boy. Barwande bazo sala biso boy. A yebisa ki binu yango. Tshisekedi s'attaque toujours à Mobutu. Tshisekedi ne vous a jamais dit qui avait présence rwandaise na mboka na biso. Atiko yebisa binote, ba rwandais bazo bo mabiso. Atiko yebisa binote, se banya molenge ne sont pas des congolais. Atiko yebisa binote. Lui ne voyait que Mobutu. Mobutu a longwe, Kabila. Mais ce qu'il fait lui-même, azo tinda batu na kintwe ki na koukou na Mobutu pendant 2 ans na Rwanda. Atinda kabe information et pas Kagame. Qu'est-ce qui se passe na kati mboka na biso? Azu information. Comment est-ce que Bako Bomba Bandeko Nabiso a joué na kintwe ki atinde pa Mubake na Rwanda? Mubake était là pour relayer les informations de Tshisekedi Tshisekedi à Kagame. C'est celui-là que vous considérez un Saint-Pierre, Saint-Pesa Monsanto et Tshisekedi Tshisekedi wa Molumba. Bandeko Bozali ba malade ou bien Bozali Ndengeni? Bozali ba malade ou bien Bozali Ndengeni? Alors, je demanderai à Ndeko Nabiso Joël Kitenge, comme il s'est excusé à moi. À s'excuser, paye. En tout cas, na monie civilisé. Franchement, vous excusez, ngai, na monie civilisé. Mais, na katia vidéo, na ye, il a parlé de moi, il a parlé de Honoré Mbanda, il a parlé de Fabio Koswadika. À s'excuser pour nanga, parce que Lokuta ou à lobby qui est professeur, to prouvé yango, il a remarqué. Il a vérifié, Ayeko Zonga, Asengi, pardon. Qu'il demande aussi pardon, M. Honoré Mbanda. M. Honoré Mbanda n'est pas là. Pour n'a pas bondi Sabino. Parce que Félix, au fait, quand vous voyez Félix, non, M. Honoré Mbanda, mais Félix a zali prématuré. Mes chers amis, attaque bino moko. Bakino balo bakata vous-même. M. Félix a zali prématuré. Ma tchombe. Monsieur Honoré Mbanda n'a pas le temps, Yako Bundisa Félix. Il n'a pas ce temps. Monsieur Honoré Mbanda, ce qu'il bunda, Ako Bundisa ba Rwande Kagame. C'est ce qu'il fait. Il n'a pas le temps pour Félix. Ce qui biso boeto dans le temps pour Félix, c'était a fortiori Monsieur Honoré Mbanda. Tokende na Fabio Koswanika, cher ami. Mutuana ya mukuse wana bozomona. Nakutana na ye physiquement. To se changea ba aéroport. Ye azo kota na Canada nga na zo bima to lekani na ba aéroport. Nako so la kaka boye ah kulutu yo zalaki na za ngape na leki na aéroport wana. Na leki na air boye ngape na zalaki wana na air wana na zo zo avion na ngai pona ke Australie. Ye a uti États-Unis aye ko kita. To kutana na ye na uti. Mais ce monsieur-là, il faut tous aller quand même na sens ya ko reconnaître batu. Monsieur Fabio Koswanika azalaki na Congo, journaliste, bozo betele maboko, bozo fungule porte kota na kati ya ndako ya Tshisekedi. Bon bando kota Fabio Koswanika na ndako ya Tshisekedi, comme un frate, comme un badote. Bobandai kokoti sa Fabio Koswanika na ndaku ya Etienne Tshisekedi comme journaliste. Aya kutanya Tshisekedi. Amoni malamu na mabe ya Tshisekedi. Fabio Koswanika yebi. Ndaku Etienne Tshisekedi ndenge ezalaki. Ezalaki propre, ezalaki salité, il connaît. Aye na poto. à couvrir ma manifestation ya étienne Tshisekedi ya bino nyonso à couvrir yango moi na mboka. Voilà un journaliste aujourd'hui parce qu'il refuse ya ko beta maboko. Cher ami, bokomi ko tuna susu place nini ba ko engager Fabio Swanika? Croyez-vous que monsieur Fabio Swanika azozanga sika pour engager? Mais non, Hermoko, comme je vous ai dit, si réellement vous aimez votre frère Félix, vous défendriez la vérité. Vous défendriez la vérité. Vous longolanan molimo na binoana ya lukuta, aden ya lukuta, vous sala un effort. Vous sala un effort. Bolongola moli mon abino ya lokuta kadiosha mensonge ce qui bolingé Félix. Mais hélas, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Na deux ans oyo mbambe ba eleki makasi. Comme je l'ai dit na début, na 100% il y a échec, il y a Félix. Lui-même a contribué à l'échec na yé na 30%. 30% wana ezali ko inclure ba deal na yé a sala na Kabila, na ba Rwanda, trahison na yé et puis incapacité intellectuelle na yé et contribué na 30%. Le reste 70% il y a échec, il y a Félix et Zali contribué na bandeko baluba. Bo baby si musala na ye, so ki azala ki peut-être na moi ko tatoné kaka ko tatoné, il pouvait réussir atane loko moko. Mais hélas, ses frères ya tribu na ye ba yo contribué à 70% l'échec na ye. Il a commis une erreur de se faire entourer par ses frères et tribunaux. Na présidence, plus de 1000. Erreur na yé. Il y a de ses frères Louba qui sont intelligents. Oyo Bazali, Bazana expertise et belé, Bazali, et belé Bazali. Mais hélas, l'erreur que Félix a commise, celle de ne pas koluka batu oyo bazali expert na gestion ya ressources humaines ba aidé yepo à localiser les vrais conseillers. Non, ye critère na ya recrutement ezalaki au pesaye 100 euros, au pesaye 100 francs, au pesaye 1000 dollars. Na tango wa lekaki, o sombela ki o meme ki na restaurant, o sombela ki masanga, o beta ki maboko. Ce sont les conditions oyo Félix Azoa ki en considération pour a engager, a nommer ba conseiller na ye. Et conditions a libosso zali luba, zala luba. Soko zali luba te, zala moutou a bala luba. Soko zala moutou a bala luba te, kola na ba luba. Oko zala conseiller ya Félix. Na explica bino. Ah, batoban dundupe bazali. Eberande ya connexion luba ezali na kati. Ya famille. Onde kuna yo pe azali mutaban dundumusu. Azali kuna paske ye azana ba relation intime na topin kaboko. Voilà. Tout conseiller ya Félix, mutu moko te azala ki surpris. Que non, Félix peut-être a yoki sango, nangai, yangwa nomé ngai, non. Tout le monde au Félix a nommé comme conseiller, soit au bala mouluba, soit au bimana mouluba, soit baluba babala yo, soit au pesa Félix 1000 euros, au pesa ye 1000 francs, ba nomé yo conseiller, et erazo nomé, eza lokola, babenga ngonin, tire au sort. Basangisi ba papi a kangi miso abimisi. Bon, oyo kombo enan. Vide chimanga. Bon, bocha e conseiller stratégique. Akoti liboko, afungoli, wana kombo nini, entel, bocha, sans savoir est-ce que mutu oyo esika nazo chaye. Azaline expertise, asala musala wana, obi asalate, jamais. Ndeko nangayi moko, oyo bozo bisanga chaque fois, ozo loba loba ndeko na yo a mboka moko azali conseiller à Félix. Ndeko wana musala ba nomaye conseiller atikala ko sala musala ya bongote banda botama. Banda botama asala musala wana te. Ndeko wana asala no, na ba centre. Ya hôpital na mboka Canada. Na mboka Canada ezali mboka ya liberté d'expression. Bato batambula tambula ka ce n'est pas le fait ya okende na marche moko. Akenda ki na marche. Parce que okenda ki na marche wana ba commission conseiller ya droit de l'homme. Sérieux ça? Sérieux? Voilà les résultats. Voilà les résultats. Et Toyoki que na bangoma na présidence ba signaler biso que Félix azali ko sala remaniement ya cabinet na ye. Azali ko sala remaniement ya cabinet na ye. Bwakiza kabiso boya kaka ko critiquer ba proposition za lakate. Alors il faut za la idiot na kati ya ba critique na biso soki okoki ko identifier ba proposition te. Il y en a toujours. Mais il faut za la mayele pour comprendre que non, ce monsieur là na parti wana ezali conseil ya pesi. Na parti wana il a critiqué. Il faut za d'abord na bongo pour comprendre. Nous demandons à Félix ce qui a lié qu'on remanie cabinet na ye. Et le quoi li bosso. Qu'il se débarrasse de ses frères Louba. Qu'il se débarrasse de ses frères Louba. Mobutu a sali 32 ans à pouvoir. A sali à mouna bangwakate. Non! Les gens de confiance, bata confiance, il faut faire bata confiance, bata trahir yé, 70% échec na yé, bata dekona yé, bata louba, bata basali yango. Et maintenant que lui-même a reconnu, azo kamwa, bata oyo bozala mi salate, bozo koufa mi kolonioso, bata maladi, bata ekole zate, mais bozo continue ko applaudir pour la gloire na yé. Au lieu de critiquer yé. Voilà. Et si kawana me moutouango azali pe idiot, à la mouki moua mouke. Ils ont rappelé bon. Il a reconnu lui-même. A lobi na place bo critiquer yé le kola ba critique ba président ya Europe, ya Occident. Bino bozo liate. Misale ezate. Bozo koufa. Bazo boma bino. Ba na classe eza malungate. Ba salaire ezate. Mais ye moko azo kamwa, ndenge nini bozo continue ko bete la ye maboko. A kamwe. Loko la bandi ko la muka. Nous lui demandons. On nous a signalé alingi a changé cabinet na ye. Un, alongo la ba frère na ye ba luba pembeni na ye. Et moi, je pense, la meilleure des façons à lancer appel d'offres. À lancer appel d'offres pour être conseiller, entre guillemets, président de la République, il y a qu'on cote sa dossier, il y a CV, il y a cote ça avec référence. Pour nous, on a vanté la Congolais Mingi. Ah, prof, na ligyo lukilanga bourse. Prof, na ligyo lukilanga financement. Tinda CV. CV mobimba référence exacte. Lokola ya Julien Tshakudia. Julien Tshakudia tinde langa CV. Na kweya makari kadi. Je le connaissais na koloba. Professeur. Ye moko mkola kontaktaki ngayi. Je suis professeur Tshakudia. C'est moi qui donne le pouvoir na basi d'Afrique. Son yon koma président. Il faut passer par moi. C'est moi qui donne le pouvoir na basi. Il faut passer par moi. Na banga kiye. Il vient, il me dit, non, prof, en tout cas, au moins, il y a une conjoncture, oyo, l'ouke langa moi financement na Corée. Financement na Ndengeni. Oh non, bape sanga prix à droit de l'homme. Non, prix wana, oyo nga nazali membre ya jury, bape sanga kabouyete, il faut kote sa dossier. Tinda nan CV na yo, natala, soki ezali, ozali ko rempli ba critère ya kozwa prix wana à droit de l'homme. Entre parenthèses, boyebi, on a fait donner le prix là, ya 500 000 dollars, avec 7 tonnes ya matériel. Il y a hôpital, na Denis Mukwege. J'ai été membre à jury, ma photo na Denis Mukwege zali, ce qui botunier a royé bisabino. To solo na ye pendant 30 minutes, fermé bisomi balé na katas, ya sal. To solo la makambebele o na koyi koloba awate. Bande ko ba vandi na Afrique de l'Ouest, le musicien burkinabé Smokey. Ngamutu na yana ye na Corée azwa prix à droit de l'homme. Na lingaki ko pesa yango pona ya Mukwege ba dossier zalaki entre la famille ya titre posthume ya Chebeya na Denis Mukwege. Alors moi j'ai pesé beaucoup plus na Denis Mukwege parce que azali nanu vivant et il continue de sauver ba vie ya basi na biso ya bana na biso. J'ai pesé de mon poids pour que azwa priwana. Il est venu na Corée, azwi priwana, ba photo ezali, ba vidéo ezali, et j'ai été le seul na katia salle parce qu'il y avait menace des Rwandais. Avant Denis Mukwege akoma, un jour avant, na zwi information, ya groupe des étudiants rwandais, ba lingi ba ya na hôtel wana, pour ba salamu boulou. J'ai alerté la police, j'ai alerté ba kolo hôtel. Alors la décision était que Moutou mwindu mokote akokota nakati. Sauf, professeur Yombi, ba photo ezali, j'étais le seul. Et ye mokope Mukwege m'a demandé, professeur, mais na mboka oyo batou mwindu bazate, na monika ka yomoko, à part, oui, nga moko avec une étudiante kenyenne, nga moutou na koti sa ye, parce que elle travaillait thèse na ye, ya maîtrise, non, ya doctorat, elle travaillait sur le droit de l'homme spécialisé na basi. Ba viol. Alors, comme Mukwege est venu, je l'ai permis à Kota Aya, à Kota Nassal, pour que ce qu'il y a sur l'anaye, à sur l'anaye, na titre, il y a ba recherche na ye. Na katia sal, plus de 500 personnes, nga imoko avec cette étudiante. Ba prévenion sur les alliés. Tout le monde a vu na télévision na Corée, sauf ma milvor. Ba tiko mon angote. Alors, je disais que si réellement Félix Alingi a sala moussala, ba conseiller à Kozoa a lancé appel d'offres. Koti sa CV na yo, CV ou koti sa avec référence, c'est le kola CV de na outi koloba CV ya Julien Tshakudia te. Julien Tshakudia m'a envoyé un CV, mes chers amis, na tchamou na Facebook. Soki bon moni CV wana oko sanza. Il s'est dit professeur, et si comme mon côté, à comment qu'il a servi na yez ali écrit, azali professeur. Et si comme mon côté attendit ça, Moussala mon côté a sala en Afrique du Sud. Mais il s'est dit, yez moutapé sa ka pouvoir na la Sud Afrique, so n'gozo pouvoir, il faut qu'on le pas na yez. Yez moutapé sa ka pouvoir na ba haïtien, so n'gozo pouvoir na Haïti, il faut qu'on le pas na yez. Aucune référence yabilo kona nyos. Et loko na monaki a sala théologie. Et loko na monaki, il a travaillé dans l'UDPS. Fini. Fini. Wana CV ya Julien Tshakudia. Professeur Julien Tshakudia, soi-disant. Na kamwe, j'ai des classes. O koute za dossier na ko me pa bakore na pesa bangote. Jamais. Et à partir de ce jour, na bandai kota la yeka andenga bio congolais. Mais ce qui est bon, c'est que c'est un loba. Au moment où on a dit que c'est un béton, nous avons des chiffons. Rien du tout. À part théologie, il y a ça là qui est au Canada. À part théologie, il y a ça là au Canada. C'est fini. Et là, comme sous-souté. Alors, que Félix lance l'appel d'offres, Moutou Oali, qui est nommé conseiller, à quoi de sa dossier naïe, à quoi de sa CV naïe, bota la soki a sa une expertise nini, pour nommer conseiller na place. Il ne faut pas amener des gens comme des Topeka Bongo. Na kopé sa yé conseil, a zoa groupe ya Topeka Bongo na nyoso, ou a lokota na Canada, a lokota na Belgique, a boa kabango. Je disais, Mobutu a travaillé ici, na mbo kanabiso, a travaillé na bangwakate. Secrétaire Mobutu a zaki ndegini. Mobutu a zaki na ba homme de confiance te. Mobutu a zaki na ba homme de confiance na ba province nyoso. Ba kamitatu masamba wana. Yoko yiko sala complot contre Mobutu. Kamitatu a yoka, na bandundu na masimanimba. Kamitatu masamba a yoka ke, yo yiko sala eloko boy. Batu ya confiance ba zwaka bango. Batu ya confiance ba zwaka bango. Exacte ke batu ya confiance il faut bazalaka batu ya tribu na yo. Batu ya tribu na yo bazo bebisa. C'est comme bande konde ke bovani na diaspora. Mais exception ezali je sais. Mais boyebi. So ke nyoko sala business na yo. So nyoko sala ba faire na yo na Congo o impliquer famille. Yeba ndeko, business wana a 70% est échoué. Parce que Oyagoya, c'est mon oncle, c'est pour mon oncle. Oyagoya, c'est pour mon père. Oyagoya, c'est pour business et kokufa. Mais ça aussi, business wana confie en go na ba camarade. Camarade a yebi que soit baby si. Okoyiko funda ye, akoyiko kangama. Moutwa famille okangisa ye te. Ah, singa famille kata na kate, mabesi salami, olingo bo mandeko na yo, pona mbongo, mbongo mokili, mbongo kotikala. C'est comme ça avec le pays. So ko tche confiance kaka na batwa tribina yo comme tu l'as fait. O moni dege ba faire échouer yo. Tu as échoué lamentablement. So ko zalga moi na classe, o ko zwa air refusé avec interdiction à 100 mètres d'une université ou bien d'une école. Ce qui a noté Félix, qu'on peut s'aider ma côte. Félix a besoin moins de 5% avec interdiction. A poussé na pembe ni ya école mokote, a poussé na pembe ni université mokote. Ce qui a Monika Kanakidi, bazo ken quelque part, a Monika ka bâtiment mounen école, a pakatakambang wazonga. Interdiction. Parce qu'il a échoué lamentablement. Et échec Oyo, il a fait confiance. Moko nazo condamné yete parce que ye moko a yebite comment recruter bato oyo bakoyi ko sa ele musala mutu wana ifo za na formation nini mutu wana ifo za na expertise nini ye a yebi makambwana te mais le pays ya bato bande ko na ye baluba oyo bazala ki pazali pembe na ye o lie basali sa ye na ndenge que et écoutez ndenge bozolo ba oyo za pouvoir na biso baluba poto e réussir pouvoir na biso ba préjudice ba stéréotype o ba lobaga no muluba ko yiko zo pouvoir te to prouver ba toke muluba ko yiko zo pouvoir muluba ko yiko travailler muluba ko faire changer le pays o ko sala musala wana ndenge nini luka ba to oyo bazali sérieux ba to oyo bazali une expertise ba to oyo ba ko yiko sala musala azala muluba te luka ba to malam mais ya sali nini ake ko tcha confiance na tribu. Akanisi ke tribu ba kosali saye. Or tribu wana ba ye, ba li bungu tulu loko la ye moko. Li, ba li bungu tulu la basali nini. Ba ye na amateurisme na peyi, o sommet de l'Etat, chilu bezo toka, vantadisme ya pamba, mutu ezate, biki ezate, ko loba lukuta. L'autre la soki conseiller na ye ekonomik soki bilomba. Na prosa kamere. Kamere lui dit, banda ozawana na mbona na natan not technique te. Ya répliqué na caméra na sala 50 notes techniques par semaine. Mais moutou aza robot. Non, aza génie. Je pense que yé toko zoyé, le ko la conseiller na Banque mondiale. Lukuta. Musicien Oyo, il s'appelle comment? Kofi Olomide. Ayemba soki, non, Kofi Mutaloba Kosa Leka. Je pense que Kosa Leka wana azwa yango na kasai. Marcele Bilomba lobi ye par semaine asalaka 50 notes techniques. Et par jour asalaka combien de notes techniques? Mais azad grave. En réalité, lokuta. Notes techniques wana pona ye 50 notes techniques par semaine. Et ils allaient 50 slogans. Fatih béton, Fatih béton, Fatih béton. 50 par semaine. C'est ce qu'il entend par notes techniques. Maintenant, vous avez échoué. 2 ans, yango. Dès la route, Korobango. Bande konayo a tribi na yo ba salisi yo pour échouer. Soki o lingi ko se racheté. Na yebi que c'est impossible. Impossible na moment oyo. Parce que fruit pe eza ko bongama. Ça l'appel d'offre. CV avec référence. CV avec référence. Avec référence, ça signifie quoi? Soki otangana isika tel, koma ane, promotion, otanganini, adresse courriel ya isika wana, numéro à téléphone ya isika wana. Bisika nyoso leka oyo sala, pesa ba référence nango, courriel, numéro de téléphone, adresse. Parce que batu oyo bako recruter yo en tant que conseiller, bako tuna. Monsieur Yombi, est-ce que na netel, na promotion boye, ozwa ki étudiant moko kombo kadima? Na ko vérifier na palmarès, oui, c'est vrai. Na zwa kadima. Bako benga sika boye, mutu boya sala, soki a sala boye bisabiso, musala ne ezala ki ndenge nini. Soki ba satisfaction ezali ebele, on vous recrute. Qu'est-ce qu'il a amené na compagnie na binon, na organisation na binon? Il a travaillé pour vous pendant telle période à telle période. Qu'est-ce qu'il a amené? Oui, il a innové, il a amené ceci. Moussala na biso e mataki, maximisation. Voilà. Conseiller, il y a président de la République. Ba no ma conseiller te parce que moutoua na bengaka yo tout wetu. Bano ma conseiller te parce que moutoua benga yo manseba ou et tout. Bano ma conseiller te parce que zo benga yo moane et tout. Azali na dilemme. Azo mona komes ke bandeko bazo faire échouer. Mais ba famille, moi ya benga na bango ezate, ba famille. Yango na outo pesa bino exemple ya ba business. So lingo sala vraiment business. Ke ba kocha ba famille te. Même o tche famille. Bazala na direction te. Tcha famille moko ako yiko zala. Po atala kamisa lezo ke endengeni. Me ko zwa business na yote. O tcha famille. O zwi neve o tche. O zwi le ki petit frère o tche. E sili. Bon. Siko yo to tunana. To tunana siko yo. Bo promettre biso. Toke na hypothèse que Félix Atikali na 3 ans. Toke na hypothèse wana. Ke akosili sa mandat na ye o Atikali nango. Na 3 ans oyo bo Atikali nango. Bo pesa biso timing. Guerre zo sila na période nini. Parce que maintenant présidence eza ya Bino Baluba. Parlement, Milouvorisé, Kabundela, Nasena, Badi bangazo koma kuna. Na gouvernement, union sacrée, boko tia bato gouvernement yabino. Parlement, na justice, na présidence, na sénat, bino na bino, bino na bino, ezali bino nyonso, akiz na Félix Tshisekedi Chilombo. Et toye boye ko bayo ko bakisela bino susu ya mutu ya likolo Union africaine ya bino boye bisangai sikoyo guerre ko sila te pourquoi soki bo sili si guerre te nalo ba guerre te parce que nous n'avons pas une guerre excusez-moi pour na eloko wana toza na guerre te occupation et ko sila Mokolori ni bo pesa biso timing. Parce que maintenant, armée ya bino, parlement ya bino, sénat ya bino, gouvernement ya bino, présidence ya bino. Bayeko baksela bino, union africaine ya bino. Dites-moi, guerre, occupation ekosi la mokolori bo pesa biso ba dat timing. Ke non, na 3 ans to tiki nango. Tito zo koma na mwa ya juin. Minembo e sekirite zo kota. Tito zo koma na mwa ya septembre. C'est un exemple que je prends. Na mwa ya septembre. Occupation tous les Rwandais dehors. Parce que tozo mwa na teni ne kwa empêche bino. Ba militaire, armée za bino. So ki bo ligipe ba militaire africain. Boza ba présidence. Bozwa ba militaire ya Nigeria ba ivoirien boya na bango babi misaba okipa na mboka na biso mes chers amis soki to leki mois de juin soki to leki mois de juin minembo sécurité yete beni sécurité yete ba rwandais ba bimite bo se pendre à jamais. Bo se pendre à jamais. Mais argument ni boko pesa biso sikoyo. Argument ni boko pesa biso. Qu'est-ce qui vous manque maintenant? Mbongo bozanango bozozo andengi bolingi. Armée bozanango Fati Beton. Parlement yabino union sacrée. Sénat yabino Badibanga Sami Badibanga kala mingi te président ya Sénat. Union africaine pe yabino. Vous contrôlez Banda Libye, ti République sud-africaine, Banda Ghana, ti Éthiopie, bino na bino bozo contrôler nyoso. Congo, bino bak bozo contrôler. Afrique, bino bak bozo contrôler. Dites-moi, cette petite armée rwandaise, ce qui est résisté na armée congolaise, et qu'on résiste pe na armée nyoso y'Afrique, ou bino bozo chapoté. Kisombe wa kumwisa ba bozali ba adult bola kisaki adultère na bino mbuta kisombe natanga bade ko manuni ha lokola botondia wa lokola banuni bozali ba adult bola kisaki adultère na bino ha Pouvoir wetu. Ezali pouvoir ya baluba. Ba mususu oyo bakanga na Belgique kuna. Alobi soki oza muluba te kanga munoko na yo. Oeza pouvoir na biso baluba. To kangi minoko. Oeza pouvoir na bino baluba. Ba bakisi bino lisusu. To pesi bino meme Afrique. Bozui ya bino baluba. Bo tili sa desordre na Congo. Ba Rwande ba bima. Minembwe dekra minembwe. Bo kata. Tina mois de juin, soki bo sali yangote. E si ka boko mona bandeko balobaka, e kozala susu ba stereotype ba prejudice te ke mulu bako yiko zwa pouvoir na mboko te. Boko yako confirme ke se vrai, mulu bako zwa pouvoir te. Parce que bo la kisi deja ba bêtise, on vous comprend, ça va, on vous comprend. Parce que carence ezali na mutu, ezali, on a compris. Mais maintenant, bah, chance, il y a deuxième phase. Première phase, bon, on a compris dans le sens que vous allez qui ban piaker, ba toi ben ko souffrir dans les gars vos sagamente, boyer, bozui mbongo. moto moko akipe binote. Ba 15 millions ekei, 600 millions ekei. Maintenant, deuxième phase, on vous demande débarrasser tout l'ouba autour ya Félix. Moi, je ne sais pas ce qui vraiment aye ko sa la cabinet na ye. Tomoni batuloko la topé kabongo. Tomoni batuloko la vilie chimanga. Tomoni loko la batwana nyon so tomoni bango. C'est que franchement Félix Azali bête ya solo. C'est que Azali bête ya solo. Alors, excuse si ko boko zwa ya nini. Excuse ya nini. Tout boza nga na maboko si ko. Tout. Donc c'est comme à l'époque de Mobutu. Tata bo, moko, mama bo, moko, ekolo bo, moko, tribi mo, moko. Ba chi dingi dingi na chi dingi dingi. Sikoyo, boko luka argument nini. Qui va vous bloquer? Qui va vous bloquer? Kabila n'est plus là. Vous avez la présidence. Vous avez le parlement. Vous avez le Sénat. Vous avez le gouvernement. Et vous avez même l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui va vous bloquer? Bon, promettre bisso que... Ba Rwanda bazo bi manamboka na biso, ba Uganda bazo bi manamboka na biso. Uganda akofuta biso 10 milliards de dollars na biso. Rwanda boko memaye po ye pa futa plus que ça. Bana kongwa ko iko, mwana kongwa ko iko kolongwa matadi, akeina goma na makolo soka lingi sans problème na nzela. Mwana kongwa ko iko kolongwa Kisangani, akeite na sena minembwe. Sans un problème, ça peut se faire. Parce que maintenant, vous avez tout ce qui est possible pour nakokoti sa kimia. Armée, Ezaï Panabino, armée africaine, Ezaï Panabino, vous êtes le président de l'Union africaine, influencé. Quand vous êtes là, pays wana, bazo lingate, ngana yebi président, c'est la kandegenine. Même si Nazala président de la République, j'ai été président d'une organisation internationale. Je sais comment le président influence ma décision. Nayebi. Nayebi comment influencer une décision. Alors, Félix est béton, Félix est stratège, Félix est le diplomate le plus connu. Qu'il influence les pays africains, tous ouaba militaires, 1000 militaires par pays africain, tous mes mabangona est yambo kanabiso, bana beni, bape matamuke, bana minembwe, bape matamuke, bana kivu, bape matamuke, ba souffrir les pélé, ba souffrir mingi. To faire souffrir bango mingi. Biso na kishasa ko bina kabandombolo. Biso na kishasa ko wela kabapos. Biso na kishasa ko fingana. Entre temps nos frères à l'est. Bazali ko kufa butu moi. Oyo kutu bayebi politique te. Bayebi te politique ango basala kandenge nini. Bazwana no eloko moko te namboka na bino ke badon bazwaka. Bazwana no babousse d'étude te. Bazwana no bopito ofele te. Bazwana no eloko moko te. Bazali ko kufa po na bino. Botondi saka ba poche na bino, na ba famille na bino na kishasa. Cette fois-ci, to zoye bate, na zoye bate argimani ni bo goya nango. Bosuki. Bosuki, sikoyo, bosuki, argim, nani ako bloke bino, siko boye bisabiso, nani. Travaillez maintenant, cessez de nous insulter, cessez de nous attaquer maintenant. Bravo à vous, bosali tout, bosu nyonso. Bozu présidence, bozu parlement, bozu sénat, gouvernement yabino, premier ministre aoute panabino, bozu soit Union africaine, bravo à vous. Alors, maintenant, laissez-nous libres. Tous les casseroles n'ont pas de démocratique. Laissez-nous critiquer. Laissez-nous dénoncer. Vous travaillez, c'est quoi, au total. Vous ne pouvez pas dire que ça ne me bande pas. bo banda kasi ki salo ango. Me, soki bolobi ki salo me banda, alors ifu bo pesa biso ba compte, biso to kanisa ki bo banda ki salo. Il y a deux ans passé, nous avons rendu ki salo ezala ki te ya deux ans passé. Si ko mbongo bozwa ki yanini. Mbongo wana ko zonga, parce que bosala ki musalate. Ki salo si ko me banda. Alors, avant ki salo me banda, on vous a payé. Bokozongi sa mbongo na be bokozongi sa te. Fayulu a zongi sa mbongo a zwa ka na parlement. Parce qu'il n'avait pas de travail. Na conscience na ye, il a remarqué qu'il n'avait pas travaillé. A zi salaire na bino a zongi si. Félix a chéjé nan moukolo, mokote na parlement wana. Mais il était payé. Bozongi na ba iskro. Félix était payé. Til lelo a zongi sa ta un centime te. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il était député de Kabila. A Kenda na salo anate, a bande ko banga parce que ma proposition de loi ni na voyana. Félix député. Proposition de loi ni na voyana Félix. Alors, de préférence à Kima, à la te. Mais on lui paye, conscience na ye, et je vais interpeller, y était kazo zwa mbongo moko gratuitement. Voilà donc. Et donc, tout l'inga qui tout le bas pour n'aller l'eau. En gros, ils allaient que Félix maintenant, ils allaient dans ma cambonnionso. Raison que baso bloqué et qu'on a la sauté. Ma cambonnionso à Zanango, Mbongo à Zanango, pouvoir à Zanango. Na Union africaine, pe, yepe président. Alors, ce qui vraiment Zali Mwana Mboka, qui l'influence cette Union africaine pour que l'occupation rwandaise cesse dans Mboka Nabiso. Dans 6 mois, ce qui a sali Yangote, mes chers amis, Bino Batubozo s'est vanté pouvoir Nabiso Balouba. Bokanga Minoko Nabino à jamais. Boko kanga minoko na bino a jamais. Na wuta yiko lobe la notre frère qui s'appelle Joël Kitenge ou Azali. En réalité, Azali milouvor. Je remarquais que Azali est milouvor civilisé. Na chaîne na ye à YouTube, il a nié que to salam salam mokote, to zali professeur te, université mokwe yibibiso te, il a vérifié par tout le monde. Bo yokana niveau ya formulation à ma phrase. Il a vérifié par tout le monde, atikala ko monate, université moko otoleka, université moko te totanise. Bon, c'est bien. Nathalie profil na ye, batu batindelinga video, na moni ke akomakaza juriste. Na bi bon, ça peut lui échapper, ça arrive à tout le monde. Na zui lien à l'université na tindelie. Na zui ba video na tindelie, en coréen, na anglais na tindelie. Atalie moka vérifié, il est revenu chez moi pour s'excuser. A s'excuser à l'obi, peut-être, zala ki erreur ba tchakie. Et à s'excuser. C'est pour cela na bengiye un milvor civilisé. Na lobaki yango na lobi yango na ebandeli que mbala liboso banda na botama. Na lobi bien na yebite yo mutozo la nanga so okutana na bakaya boye. Ngai na lobi mbala liboso banda na botama ndeko na biso muluba. Aloba makamba lukuta. O démentir yango avec des preuves a zonge la yo po a senga pardon. Mbala liboso bandana botama. Voilà pourquoi na bengiye mouluba civilisé. Mais on a profité pour toye bisaye. Ame kakote ya bande konaye moussousou. Balouba. Pona Etienne Tshisekedi na Félix, phrase moko ezotambula entre les baluba. Soki muluba moko akumisi Félix te, bazo tuna ye kaka. Oyo muluba ya ndenge nini? Oyo muluba ya ndenge nini? Oyo muluba ya ndenge nini? Soko yoki bango balobi oyo muluba ya ndenge nini? Ça signifie que muluba wana azokosa te. Un vrai muluba doit mentir, il faut akosa. Un vrai muluba, il faut azala vantard. Un vrai muluba abosa na te ndambu ya kindoki. Ça c'est vrai muluba. Nyonso misato wana après ba détails monsieur ses alliés belé mais ya liboso vrai muluba soko yoki ba yebisie oyo muluba ya ndenge nini soko yoki ndengwana c'est que muluba wana azokate muluba wana za vantarte muluba wana za kindokite c'est kaza muluba te ya ngato zoloba dès que nous prendrons les affaires en main y aura un programme. Il y a rééducation ou bien éducation. Il y a bande konabiso maluba. Ça, c'est vrai. Founan Koluka, Nzamba Kita, Ataka Rapona Congo, Alongo la Bango Kindoki. Bande ko, Moussou Bazo Seka, Bozo Kansake, Zali Blague. So kenda kasa ite, o comprendre te. So ki o kenda kasa ite, o comprendre te. Au moment que maintenant, mutu azolo baba kamunin, au comprendre te. Mais bato bakenda kasai ba yebi. Na kasai presque chaque maison, y a au moins un sorcier. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Nga inde konanga moi si akimisa bana. Non, bokende konje, il faut boye kola kiluba, vos ali baluba, papa za muluba, il faut bokende kasa, il faut boye kola kiluba, po biso te lobaka kiluba, makamba koloba mno kwa mboka na bino awa bayaka ezate. Ah, promes ezate, biso toza bayaka. Mais ozaka na province na biso te, tato, bo frère. Te, même na za province na bino na ndaku nanga chiluba na chiluba. Ngai na boya na koye kola, jamais. Bon, moi si na ya, na sala bonito, bala nati. Nazo abana na kena bango na kasai po ba yoko na chiluba. Bake kuna, akimi sabana na kindoki. Kindoki eleke akimi butu butu na bana. Boni o yeko zongo, ifale o sala même 2 à 3 ans. Kindoki. Chaque maison, y a au moins un sorcier. Ndenge baza wana ba yebi. Boza bandeko na biso, toza bandeko. To yebani. Nabi non, ifuna leka nana kwa nana kende kuverifiye. Nabika. Nazwa kindoki ya kimukolo. Wika asoba peso kindoki ya kimukolo ndenge za waka. Nabika. Nakima butu butu. Yana. Alors. Bozwi system wana, culture wana boye na muna presidence. La présidente est commis potopoto. Désordre. Et la Kabila koutou au Rwanda, à Yakana Babot. Président, c'est Zalaki Boyete. Président, c'est Zalaki Boyete. Mobutu a vu présidence et Rwanda, par réseaux sociaux, Biloko, Nyon, c'est Zalaki T. Bongonde et Tambouraki. Président, c'est Zalaki Boyete. Président, c'est comme le col la Zandu ya Gambela. Tout le monde fait la loi. Condition Ezali Karolo Bachiluba. Tout le monde fait la loi. On ne comprend pas qui est qui. On ne comprend pas qui est qui. Nakati asal bozo confondre wapi président, wapi conseiller. Bozo ye bate, moutounyo se maboko na poche. Mais roye bakaka président Zali po. Ah, donc, vous voyez bah, que le président Zali. Il y a encore quelque chose qui est le président Yé. Mais soit Zala Kambongote, Moutou Moka, vous voyez que le président Yé, yo Félix, ou yo conseil T. Moutou, le président Moussou Baye, vraiment, n'a pas président, ma boko na poche. Non, en tout cas, na cadre ya conseil, ce qui a sali remaniement, il y a cabinet na Yé. alongola bato yo nyoso atiaki na président bazui déjà bambongo ebelese a aidé bango quand même ba futa ba nyonga ba crédit batika na ba na ba États-Unis, Canada, Europe, partout ba futa ba nyonga ba crédit wana ba, ba defa defa ou aidé bango. Mais en tout cas, si réellement il veut travailler, qu'il se débarrasse de ses conseillers louba balouba kakate bango nyoso bango nyoso. Parce que le Congo a plus de 100 millions d'habitants. Alors, au Pessi Bango, 2 ans, ça suffit. Au Pessi Bango, 2 ans, ça suffit. Bako, bien échec, Nayo. Voilà donc, Ndengeto, le Baka, toujours. Un idiot est un idiot. Deux idiots sont des idiots. Trois idiots sont trois idiots. Un million d'idiots, c'est un parti politique. Ce parti politique, c'est l'UDPS. L'UDPS est constitué des hommes et de femmes de tribus. Les hommes et les femmes de tribus sont des millovores. Les millovores sont des citoyens congolais génétiquement tissé qui ne raisonne que sur base de leur tribu. Merci pour la Wolanda Bisso. Merci pour la confiance. Merci pour la côté élément. Et Tokutani prochainement. Week-end malam na binonyoso. Au revoir. Commence par là.